On ne changera pas les choses, on continuera de les constater. Dire que ce monde est raté et qu'il est constata. On n'arrêtera pas les guerres, c'est sûr. On te fera juste prendre conscience que c'est la vie et qu'il n'y a guère d'issue. J'étais naguère déçu, mes yeux m'ont dit que c'était foutu. J'userai pas mes rotules devant un quelconque dieu. Heureux mais trop heureux le paraître. C'est difficile comme trouver une seule parcelle de bien paraître. J'essuie mes larmes, je suis comme tout le monde attiré par l'argent. L'homme est une mauvaise herbe, mes paroles un détergent. Hey, on n'arrêtera pas les chiens de rôder, les requins d'arnaquer. Moi j'ai mon art qui pourra me le voler. J'aimerais juste m'envoler et prendre mes distances, juste m'entourer de bonnes pensées, pas d'âme affolée. On ne changera pas les choses, on continuera de dresser les constats de la vie en usant de notre prose. Je dresse un constat, ça ne changera pas les choses, tu sais. Je suis moins fort que ces attentats. Je reste lucide sur la tristesse qui me ronge comme de l'acide. Je reste placide. Je dresse un constat, ça ne changera pas les choses, tu sais. Je suis moins fort que ces attentats. Je reste lucide sur la tristesse qui me ronge comme de l'acide. Je reste placide. Je dresse un constat parce que ça me consterne. J'aimerais que les constats, y'en a beaucoup que ça concerne. Y'a pas de contrat entre le bien et le mal. N'écoute pas ce qu'on te raconte, il complique tout pendant que je t'explique. Un constat parce que ça me consterne. J'aimerais que les constats, y'en a beaucoup que ça concerne. Y'a pas de contrat entre le bien et le mal. N'écoute pas ce qu'on te raconte, il complique tout pendant que je t'explique. On relate les faits, l'homme est fou. En effet, c'est fort de faire. Crier la terre, on le fait sans faire d'effort. Fuir, c'est pas une mince affaire. Frire en enfer, enfer, souffrir. Plus d'un, Lucifer en est fier. On s'enferme, on écope d'une vie ferme, des âmes infirmes. C'est tout ce qu'on est au lieu de se sentir frère. Et on n'a pas de flair. Pourtant c'est simple d'anticiper la suite des événements. On continuera de s'anéantir bêtement. C'est tellement facile, pourtant si loin d'être docile. Entre le bien et le mal on oscille. Entre jeunes cons et vieux fossiles. Entre péter un câble et rester serein. C'est surin, c'est pas facile parfois de faire sa vie surin. Choix au pire de choisir pour des autres âmes qui tomberont comme des feuilles mortes en automne. Tout ça est si monotone. Mais on s'habitue vite, tu sais, on vit dans un monde pourri. T'apprends rien, c'est pour ça que j'en souris. Je dresse un constat, ça ne changera pas les choses, tu sais. Je suis moins fort que ces attentats. Je reste lucide sur la tristesse qui me ronge comme de l'acide. Je reste placide. Je dresse un constat, ça ne changera pas les choses, tu sais. Je suis moins fort que ces attentats. Je reste lucide sur la tristesse qui me ronge comme de l'acide. Je reste placide. Je dresse un constat parce que ça me consterne. J'aimerais que les constats, y'en a beaucoup que ça concerne. Y'a pas de contrat entre le bien et le mal. N'écoute pas ce qu'on te raconte, il complique tout pendant que je t'explique. Je dresse un constat parce que ça me consterne. J'aimerais que les constats, y'en a beaucoup que ça concerne. Y'a pas de contrat entre le bien et le mal. N'écoute pas ce qu'on te raconte, il complique tout pendant que je t'explique. Je dresse un constat parce que ça me concerne. J'aimerais que les constats, y'en a beaucoup que ça concerne. Y'a pas de contrat entre le bien et le mal. N'écoute pas ce qu'on te raconte, il complique tout pendant que je t'explique. Je dresse un constat parce que ça me concerne. J'aimerais que les constats, y'en a beaucoup que ça concerne. Y'a pas de contrat entre le bien et le mal. N'écoute pas ce qu'on te raconte. C'est un constat, ça ne changera pas les choses, tu sais. Je suis moins fort que ces attentats. Je reste lucide sur la tristesse qui me ronge comme de l'acide. Je reste placide. Je dresse un constat, ça ne changera pas les choses, tu sais. Je suis moins fort que ces attentats. Je reste lucide sur la tristesse qui me ronge comme de l'acide. Je reste placide.